Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio avec en ouverture ce groupe Angra et ce Nova Era, extrait de leur album Rebirth. C'était paru au tout début des années 2000, 2001 ou 2002. Il me semble, j'ai eu envie de me rediffuser ça ce soir pour débuter Overdrive. Restez bien à l'écoute du 895 ce soir dans Overdrive. On devrait avoir de la bonne musique, au son de pas mal de petites nouveautés qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers mois. On débute avec Flight of the Ravens par Brothers of Metal. Pour les amateurs de Power Metal, ils devraient se délecter de cet album paru sur AFM Records avec ce disque qui s'appelle Fimbul Venter, et le morceau tout de suite, Flight of the Ravens par Brothers of Metal, tout de suite sur Overdrive. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Fire Action avec ce Storm of Memories du heavy metal classique pour Overdrive Radio Duo. On continue maintenant avec le groupe D-Lane qui nous sort son nouvel album à la fois composé de live et également nouveaux titres. Ce sera The Reaping tout de suite sorti sur Napalm Records pour encore une fois du métal assez mélodique pour débuter Overdrive. Pulled us into love. Pure Reason Revolution, Pure Reason Revolution, avec cet album Coming Up to Consciousness qui vient de voir le jour sur le label progressif Inside Out Music. Et il est temps maintenant dans Overdrive de passer à une musique plus foncièrement direct et rock avec Besmain, ce groupe français qui nous sort Assembly Line sur le label MNO. Music qu'on envoie tout de suite avec le morceau Down. Et vous écoutez toujours Overdrive Radio, il est 22h. Surely was I dreaming? illusions when you lie, a simple lullaby is the chameleon behavior. No danger, no savior. Yeah. Yes, vous venez d'entendre Athena 19 avec ce morceau The Day We Obscured The Sun dans une veine assez métal progressive des plus plaisantes. Maintenant, vient le tour de Septaria avec cet album A Prime, A Star, A Étoile, appelez ça un peu comme vous voulez, A Star, sorti sur le label Clonosphère. On a ici affaire à un groupe de post-metal qui se réclame autant de Pink Floyd que des Deftones que de Tool ou alors Gojira. Donc on a affaire à quelque chose d'assez moderne avec un gros son, des compositions à tiroir ainsi que une touche assez ambiante par moment. Donc extrait de cet album A Star, ce sera à Centaure qu'on écoute tout de suite par Septaria. We'll be right back. Sorti sur le label MNO Music, vous venez d'entendre le groupe Mouhourtin avec cet album Tamas et le morceau Kalimata, sur lequel on avait de très belles influences orientales et bien entendu des sonorités très particulières pour un album de métal. On continue maintenant avec Flash Sale, le nouvel album du groupe Micmac. Micmac, on les avait connus du côté de la France avec Sunrise et Groovy Wonderland, sorti il y a quelques années, là également, sur le label NMNO Music. Il nous revient maintenant, ce guitariste de Micmac, du côté de la Suède, avec ce Flash Sale. Vraiment une très bonne sortie pour tous les amateurs de musique vivante et à la fois également sautillante, avec de bons gros riffs de guitare et de belles mélodies et de bons refrains. On s'envoie ça tout de suite. Flash Sale, le morceau titre par le dernier album de Micmac. Your attention everywhere you go, there is no exception, it is out of your control. Anywhere you look, waiting to be seen, another catchy hook or something more obscene. It has become ordinary mass consumption. Yeah! pour le groupe Micmac, encore une fois, un superbe morceau, une très bonne partie de batterie, un superbe solo qui me rappelle d'ailleurs un certain Kiko Loureiro. On continue maintenant avec une sorte de pop-punk avec Kamakazi qui nous sort ce groupe, ils nous viennent du Québec, ils nous sortent single, Comptez les secondes. C'est toujours sur Overdrive, Radio Duo, et il est maintenant 22h quasiment passé de 30 minutes. Voilà pour Kamakazi, Comptez les secondes. Et on continue maintenant dans une œuvre plus lente, plus doumesque. C'est avec Crippled Black Phoenix, avec You Put the Devil in Me, sorti sur le label Season of Mist. Ha ha ha. Excellent que ce Crippled Black Phoenix, You Put the Devil in Me, c'est sur ce dernier album paru sur le label Season of Mist. On continue maintenant avec Miss Fortune qui nous sort ce Collapsing Serum DPT sur lequel bon, on a une musique extrême, bien entendu, avec un côté électro. Ce sera le morceau Survival of the Schoolyard Fistest. Toujours sur Overdrive Radio Duo. Singularity. It's too late. Vous venez d'entendre respectivement Miss Fortune enchaînée avec The Browning et son Hive Mind, extrait de cet album Omni, et ensuite enchaîné avec Neckbreaker avec 2K sur Within the Viscera et ce Putrefied Body Fluid sur lequel on retrouvait le label Nuclear Blast. On continue et on va maintenant terminer Overdrive pour ce soir, une émission légèrement plus courte avec un extrait de cet album A Better Dystopia par Monster Magnet, un groupe qui a fait parler de lui il y a tout simplement quelques temps, puisque au courant du mois de septembre ou même octobre, sur Paris, leur concert parisien n'a duré qu'une toute petite vingtaine de minutes, le chanteur Dave Windorf ne pouvant visiblement pas performer ce soir-là pour différentes raisons qui ne seront pas divulguées. Néanmoins, on lui souhaite un bon rétablissement et nous revenir très en forme pour nous refaire cette excellente musique qui nous plaît tant. Voilà pour Overdrive. On va se dire à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. Enfin, non pas dans la semaine prochaine, mais dans deux semaines sur le 895 de Radio Dio. On n'oublie pas le www.facebook.com/overdrive-radio-dio. On rappelle également le www.radiodio.org. Overdrive Radio Dio sur Instagram, la plateforme Mixcloud pour retrouver tous les podcasts des émissions et notamment les références des morceaux qui vous auraient plu. Voilà, il est temps de rentrer à l'antenne. Merci. Ciao, bye bye.